Ouais. Yeah, yeah. Ouais. Je me permets de mettre des baffes à toutes ces tasses. Je taffe, prends des contacts, non démoniaques, sans cesse hardcore. Je me suis permis d'imposer mon à moitié débile, je m'éloigne doucement. Calmement, j'éduque des enfants car le temps c'est là. Et les gens comprennent le vent. Je me permets de foutre le frac, de mettre des claques dans les bacs. Un délitzat, un putain de mac. Toutes tes permissions, dans ma mission, à l'unisson nous misons. La 333 section, diction sur bonne session, cessons de flairon. Passons donc à l'action, quel que soit le tracas. Ça claquera, c'est notre pacte. Même si on passe pas à la durable, PHL, oh yeah, respecte toutes les ne disent pas de sky. C'est ainsi que les soldats travaillent. PHL, oh yeah, respire la vérité sans rire. Même si toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Marié au MA3 pour le meilleur et le pire. J'aspire à décrire réalité sans mentir. Quand je pense qu'il y a des gens qui transpirent pour transcrire des textes sans sens, qui en plus sans trans, c'est le pire. Je me permets, même si je perds mes cris. Tout est permis avec du crédit, j'averie. Ma cible est désignée, le monde entier averti. La merde dans les oreilles, le coton de tige, ça lit pareil. La vie est un cauchemar, j'agis. Le sachant, j'écris. Le dire m'est permis, j'fous j'buzz. Tu t'es là, tes gueules et pris. Le droit sera chien pour les chiennes qui n'ont pas compris. Et si je perds mes repères, laisseront les empreintes écrites. Tout est permis, récite que le 3-10, ça doit le sortir. C'est l'anarchie, y'a pas de chichi. Tout est permis. Un pas de dividi, le débit débute très petit. C'est l'anarchie, y'a pas de chichi. Tout est permis. Pas de dividi, le débit débute recti. C'est l'anarchie, y'a pas de chichi. Tout est permis. Pas de dividi, le débit débute recti. C'est l'anarchie, y'a pas de chichi. Tout est permis. Pas de dividi, le débit débute recti. Chez nous y'a pas que le mardi que tout est permis. Pas de dividi, le débit débute recti. Nous n'apparaîtrons pas dans la semaine des 4 jeudi. Le 3 investit la place massif ou en crédit. Massif, aujourd'hui c'est gratuit. Ouvre simplement ton cœur, tes yeux et ton esprit. Sur le qui-vive, nous lâchons rien. Dieu merci. Fini, le temps n'est pour rien, on se maintient. Et Dieu, je remercie. Dans ce crack, on peut tout se permettre. Faut pas que t'aies le crack à la vue de toutes ces vedettes. J'ai le permis, et je te conduis. Dis qu'il pite pour les essences du ménage. Troisième underground, s'il vous plaît. Au summum, au sommet, ma passa en est un extrait. Du boogie boogie, du bou boogie. Et si je suis fou, c'est qu'il faut faut j'ai bou d'ici. If you need a fix. C'est le world monde, ménage à 3 plus 1. Créer un Plymouth. A l'envers, magazine, coquine, coquine. C'est le quatrième rage, baby, Louris S. Quorum, asylum, cacatum, flash. Est-ce que évasion, télévision infinie? Fit, décodé, oh yeah, tout est permis. Candy, sans cookie, banane, c'est la bataille. Luke, Luke, Skywalker, Nadi, Salata. Ado, tout est permis, sauf interdit. MA3, ménage, Lady en 3D. Cette vidéo promo à l'infini. ODT, beat'em up, Tekken 3. Une reine OG pour le MA3. C'est l'anarchie, y'a pas de chichi. Tout est permis. Pas de dibidi, le débit débute recti. C'est l'anarchie, y'a pas de chichi. Tout est permis. Un pas de dibidi, le débit débute recti. C'est l'anarchie, y'a pas de chichi. Tout est permis. Un pas de dibidi, le débit débute recti. C'est l'anarchie, y'a pas de chichi. Tout est permis. Un pas de dibidi, le débit débute recti. Un rappeur sans MIC. C'est comme un chasseur sans fusil, sans fusil. Aujourd'hui, tout est permis, personne ne sera aigri. Malgré que la vie déprime l'anésie, y'en a qui contemplent et y'en a qui agissent. Essayons de rester aussi fort que les mains de Curtis. Dealer, dealer, non dealer, l'heure qu'il est. Les pendules sont à la bonne heure, et pas à celle du regret. La me casser MA3, moi j'suis ton dealer. Dealer, mais ça c'est froid. Et si tu aimes les bons thrillers, sois cool, à l'aise, maintenant tout est permis. Les choses t'es cortez, ménage à Thérèse Avery. Tu nous croyais partis, enfuis, peut-être sans vie. Nos ennemis se sont réjouis, j'entends encore les cris. 99 ménages à 3, salut salut comment ça va. Maintenant c'est fini tout ça, mes soldats ont cessé d'être pour toi. Quoi quoi, tu blabla, qu'est-ce que tu vas faire contre on ça. On va vous mettre le feu, et rien n'a changé à notre propos. Les mêmes stars avec l'art d'en mettre toujours un peu plus dans leurs chevaux. C'est l'anarchie, y'a pas de chichi. Tout est permis. Un pas de dibidi, le débit débute recti. C'est l'anarchie, y'a pas de chichi. Tout est permis. Ouais, pas de dibidi, le débit débute recti. C'est l'anarchie, y'a pas de chichi. Tout est permis. Pas de dibidi, le débit débute recti. C'est l'anarchie, y'a pas de chichi. Tout est permis. Ouais, pas de dibidi, le débit débute recti. C'est l'anarchie, y'a pas de chichi. Tout est permis. Pas de dibidi, le débit débute recti. C'est l'anarchie, y'a pas de chichi. Tout est permis. Ouais, pas de dibidi.